Nous sommes des parodistes entêtés et nous ne prétendons pas tout changer. De plus, quand nous exprimons, on pourrait nous reprocher de parler de choses qui ne nous regardent pas. Oh, et puis merde! Moi je file un rencard à ceux qui ne font rien. Pas la moindre pétition, ni un petit coup de main. Et si demain ACTA venait à être signé, on pourra déplorer que ces lois soient passées. À tous les chansonniers, prochainement au chômage, devenus consommateurs, victimes de ce passage. Si vous vous exprimez, chers amis parodistes, demain vous vous verrez punis par des légistes. On n'a plus de droits, et bientôt moins avec ACTA. Dépassons le chacun pour soi, unissons-nous contre la CISPA. S'il te plaît, rejoins la bataille, avant que nos lois ne déraillent. Vouloir défendre les droits d'auteur, c'est ce que prétendent les censeurs. Aujourd'hui, on n'a plus de droits, et bientôt moins avec ACTA. Désormais, l'innovation, elle est le dépatron. Un cliché, un plagiat, plus aucune création. Aujourd'hui, leurs paupières et leurs oreilles sont closes. Franchement, le copyright, on en a une autre dose. Ils n'ont pas mauvaise conscience d'empêcher de se soigner en stoppant les médocs dont ils peuvent profiter. Bon, bon, c'est une blague, mon enfant. Mais ça le deviendrait. Aujourd'hui, à cause de ces lois, et surtout avec celle d'ACTA, la joute vie, Léo s'arrête là, mais s'exprimer reste à nos droits. S'il te plaît, rejoins la bataille, avant que nos lois ne déraillent. Vouloir défendre les droits d'auteur, c'est ce que prétendent les censeurs. Aujourd'hui, on n'a plus de droits, et bientôt moins avec ACTA. Si tu ne connais pas ces lois Liberté Sud, dans ce cas, laisse-moi t'expliquer la limite. Mixer ou parodier, ne plus inventer. Eh bien vous avez tort et on va le prouver. Aujourd'hui, on n'a plus de droits, et bientôt moins avec ACTA. Dépassons le chacun pour soi, unissons-nous contre la SOPA. S'il te plaît, rejoins la bataille, avant que nos lois ne déraillent. Vouloir défendre les droits d'auteur, c'est ce que prétend les censeurs. Aujourd'hui, on n'a plus de droits, et bientôt moins avec ACTA. Dépassons le chacun pour soi, unissons-nous contre la BIPA. S'il te plaît, rejoins la bataille, avant que nos lois ne déraillent. Vouloir défendre les droits d'auteur, c'est ce que prétendent les censeurs. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, et bientôt moins avec ces lois. Dépassons le chacun pour soi, unissons-nous contre